à la parole de Dieu. Zonga katina liloba. Zambe atilela ki bango liloba. Et liloba y fixa ki bango. Lique 15, 17 à 18. Neko tiga mon boulou. Change, change, change. Et y a liloba. Pingana imuji dia nzambi. Yesu kudi moyo na